En Ukraine j'ai connu la misère. Maman tapine, elle est pas là, elle est pas là, elle est pas là. L'empereur tu sais qu'il sévissait. Y'a des problèmes qu'on règle pas. Le daron faisait tourner quand j'étais enfant. Je coupais des 10 balles avec les dents. J'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Aller à l'école, aller à l'école. Je fais tourner le joint jusqu'au Japon. Fume du shit comme pas permis. Ton acte de décès en guise de carton. Je faisais du sale comme à Libye. Trop de fumée comme au sauna. Une olive de pilon dans mon martini. Au petit bourg je vends des paras. Pas le temps pour les putes c'est la bibi. Je me suis perdu dans le hall de l'enfer. Juge m'a dit cette fois c'est du fer. Ce dur doit partir un frère. Ses sœurs me disent qu'elle veut de la blanche. Pas 10 sur 10, je veux que l'argent. Ça lève les crosses en parallèle. Elle ferme la bouche, crache sur ses lèvres. Avec Lorenzo on est soutif. Vas-y pute fais voir sous le soutif. Envoie le fromage genre la poutine. Avec ma bite, ma bite. J'gamberge. J't'emmerde. J'éclate une blonde. Et j'fume la verte. Et j'fume la verte. C'est déjà fini?